Vous écoutez France Culture. Lettre du Japon. Chronique d'une traversée. De Rudyard Kipling. Troisième épisode. Avec Laurence Stocker, Christian Gonon. Réalisation, Catherine Lemire. Le 15 avril 1889, Kipling, né à Bombay, citoyen anglo-indien, écrivain déjà reconnu alors qu'il n'a que 24 ans, atteint les rives du Japon. Parti de Calcutta le 9 mars précédent, il quitte définitivement les Indes après avoir effectué 7 ans d'une carrière journalistique intense pour rejoindre les États-Unis. Rédacteur en chef adjoint du Pioneer d'Allahabad, c'est pour ce journal qu'il rédige la chronique de ce voyage sous forme de lettres où il nous livre sa découverte et sa traversée du Japon. Après Nagasaki, Kobe, rejoint en bateau par la mer intérieure, c'est en train que Kipling et son mystérieux ami, qu'il nomme le professeur, rejoignent la ville de Kyoto. Nous faisons ménage avec 60 représentants de la race des Sahibs dans le plus gracieux hôtel qu'il vous fut jamais permis de voir. Il s'élève sur le versant de la colline qui domine toute la ville de Kyoto et son jardin est tout ce qu'il y a de japonais. Thé taillé de façon fantastique, genévrier, pin pygmé et cerisier se mêlent au bassin de poissons rouges, aux lanternes de pierre, aux rocailles bizarres et à une pelouse de velours de 35 degrés de pente. Derrière nous, les pins, rouges et noirs, couvrent la colline et descendent en un long éperon jusqu'à la ville. Mais un catalogue de salles de vente ne peut décrire le charme de l'endroit, ni traiter dignement le jardin de thé rempli de cerisiers, qui s'étend à 100 mètres plus bas que l'hôtel. Nous avions reçu la solennelle assurance que presque personne ne viendrait à Kyoto. C'est pourquoi nous y rencontrons tous les passagers du bateau qui nous avait amenés à Nagasaki. Et c'est aussi pourquoi nos oreilles sont constamment assaillies de la clameur de gens en train de discuter les endroits qu'il faut faire. L'anglais est un horrible animal quand il se trouve sur les grandes routes, de même que l'américain, le français ou l'allemand. Je contemplais le soleil de l'après-midi sur les arbres et la ville, les changements et les jeux de couleurs dans les rues de cerisiers encombrées de monde, et je chantonnais intérieurement, parce que le ciel était bleu et que j'étais en vie dessous, avec une paire d'yeux dans la tête. Dès que le soleil descendit derrière les collines, l'air se rafraîchit sérieusement, mais les gens en ceinture de crêpe et en fourreau de soie ne cessèrent pas pour autant de folâtrer avec calme. Il devait y avoir le lendemain, au temple principal de Kyoto, un grand office en l'honneur de la fleur de cerisier, et tout le monde se préparait à cet effet. Au moment où la lumière s'éteignait dans une lavure de cramoisi, la dernière chose que j'aperçus fut une frise de 3 petits bébés japonais, à houppe légère et à large ceinture, qui essayaient de se pendre la tête en bas à une barre de bambou. Ils y parvinrent, et l'œil mi-clos du jour les regarda solennellement comme ils se fermaient. L'effet en silhouette fut immense. Dès la pointe du jour, avant que les moineaux en train de nicher ne fussent éveillés, se produisit dans l'air un son qui me fit sortir avec épouvante de mon vertueux sommeil. C'était un murmure zézéant, très profond et tout à fait étrange. C'est un tremblement de terre. et le versant de la montagne se met à glisser, dis-je, en prenant des mesures de sauvegarde. Le son se répéta encore et encore, jusqu'à ce que je conclus que si c'était le signe précurseur d'un tremblement de terre, l'affaire avait capoté quelque part. À déjeuner, des gens dirent. C'était la grosse cloche de Kyoto, juste à côté de l'hôtel, en remontant un peu sur le versant. Comme sonnerie, vous savez, c'est plutôt raté du point de vue anglais. Il ne la sonne pas comme il faut et le volume du son est comparativement insignifiant. C'est ce que j'ai pensé dès que je l'ai entendu, répliquai-je d'un ton indifférent. Et je sortis pour m'engager sur le versant de la colline et monter sous le soleil qui inondait le cœur et les arbres, inondait l'œil de joie. Vous connaissez le plaisir sans mélange de cette première matinée claire dans l'Himalaya, quand le flâneur a la perspective d'un mois de pleine paresse et que la senteur des cèdres se mêle à celle du cigare de la méditation. C'était mon lot quand je m'avançais à travers l'herbe longue, semée de violettes dans les petits cimetières japonais oubliés, tout en colonnes brisées, tout en dalles couvertes de mousse, jusqu'à ce que je trouvasse, sous une brèche du versant de la montagne, la grosse cloche de Kyoto. 20 pieds de bronze vert suspendus à l'intérieur d'un appentis, fait de poutres en bois et couvert de façon fantastique. Une poutre, soit dit en passant, est une poutre au Japon. Tout ce qui n'a pas un pied d'épaisseur est un bâton. Ces poutres, les meilleures parties de gros arbres, étaient reliées à l'aide de bronze et de fer. Un coup frappé légèrement de la jointure du doigt sur la lèvre de la cloche, elle était à pas plus de 5 pieds du sol, faisait respirer lourdement le grand monstre, et un coup de canne éveillait 100 échos perçants alentour des ténèbres de son dôme. Sur un côté, retenu par une demi-douzaine de petits grelins, pendait un bélier, un épars de 12 pieds cerclé de fer, le nez pointant au cœur d'un chrysanthème en haut relief qui se trouvait au ventre de la cloche. Alors, par une faveur spéciale de la Providence, qui veille toujours sur l'oisif, on commença de faire résonner 60 coups. Une demi-douzaine d'hommes agitèrent le bélier en arrière et en avant avec force éclat de voix jusqu'à ce qu'il eût pris suffisamment de champ et les cordes lâchées le laissèrent se précipiter contre le chrysanthème. Le boum du bronze frappé fut englouti par la terre au-dessous et derrière par le flanc de la colline, de telle sorte que son volume était disproportionné à la taille de la cloche, exactement comme les gens avaient dit. Un sonneur anglais en eût fait 3 fois autant. Mais alors, il aurait perdu la vibration rampante qui courait à travers roches et pins à 20 mètres à la ronde, battait à travers le corps de l'auditeur et s'en allait mourir sous ses pieds comme le choc d'une mine lointaine. Je supportai 20 coups et me retirai. Nullement honteux d'avoir pris ce son pour un tremblement de terre. Maintes fois depuis, j'ai entendu la cloche parler quand j'étais au loin. Elle dit « brrrr » du fond de la gorge, mais une fois que vous avez saisi le bruit, jamais vous ne l'oublierez. Et voilà pour la grosse cloche de Kyoto. La première ceinture de chant autour de n'importe quelle ville est toujours passablement puante, mais cet excès d'odeur continuait par toute la campagne. Sauf quelques parties près de Dhaka et Patna, la face du pays était peuplée d'une façon encore plus dense que le Bengale et était 5 fois mieux travaillée. Il n'y avait pas une seule parcelle en friche et pas une culture qui ne fût arrivée à la pleine limite de productivité du sol. Oignons, orge en petits fêtages entre les fêtages de thé, de haricots, de riz et d'une demi-douzaine d'autres choses dont nous ne savions pas les noms, chargeait l'œil déjà fatigué de l'éclat du sénévé doré. L'engrais est une bonne chose, mais le travail manuel vaut mieux encore. Nous les vîmes l'un et l'autre jusqu'à l'excès. Quand un paysan japonais a fait à son champ tout ce qui lui est possible d'imaginer, de l'index et du pouce, il sarcle l'orge tige par tige. C'est vrai, j'ai vu un homme le faire. Nous nous dirigeâmes à travers la merveilleuse campagne droite en coupant la plaine, sur laquelle est située Kyoto, jusqu'à ce que nous atteignîmes la chaîne de collines sur le côté opposé pour nous trouver dans le fouillis d'un kilomètre de cours pleine de vieilleries. La culture et les canaux avaient disparu et nos pousses-pousses infatigables filaient au bord d'une rivière large et profonde encombrée de billes de bois qui présentaient les tailles les plus diverses. Je suis disposé à tout croire des Japonais, mais je ne vois pas pourquoi la nature, que l'on dit être la même puissance impitoyable dans le monde entier, leur enverrait à travers les rochers leurs billes de bois non fracassées, proprement écorcées et pourvues d'une rainure nettement incisée à l'extrémité de chaque tronc pour recevoir la corde. J'ai vu du bois voler en bas du ravi, en temps de grosses eaux, et quand, à l'aide de crampons, on le sortait de là, il était aussi rugueux qu'une brosse à dents. Leur marchandise à eux arrive au bas sans une égratignure. En conséquence, la rainure est un autre miracle. Lorsqu'il fait beau, dit doucement le guide, tous les gens de Kyoto viennent faire des pique-niques à Arashiyama. Mais ils sont toujours en pique-nique dans les jardins de cerisiers. Ils pique-niquent dans les maisons de thé. Oui, quand il fait beau, ils s'en vont toujours pique-niquer quelque part. Mais pourquoi ? L'homme n'est pas fait pour le pique-nique. Pourquoi ? Parce qu'il fait beau. Les Anglais disent que l'argent des Japonais leur tombe du ciel parce qu'ils sont toujours à ne rien faire. Du moins, Le croyez-vous ? J'ai vu une sorte de travail chez les Japonais, mais il ne s'agissait pas de celui qui procure des récoltes. Il était purement artistique. Un quartier de la ville de Kyoto est consacré aux industries. Dans cette partie du monde, le fabricant n'arbore aucune enseigne. On peut bien le connaître à Paris et à New York, c'est l'affaire des deux cités. Il faut, à l'anglais qui veut trouver son établissement dans Kyoto, aller à sa recherche, guide en main, du haut en bas de vilaine rue. J'ai visité trois fabriques. Le propriétaire du deuxième établissement habitait dans un cabinet de bois noir. C'était profanation que de l'appeler maison. Seul, avec un bronze d'un travail sans prix, un assortiment de meubles en bois noir et toutes les médailles que son travail lui avait values en Angleterre, en France, en Allemagne et en Amérique. C'était un homme fort paisible, à l'apparence de chat, et il parlait presque en un murmure. Nous plairait-il de visiter la fabrique ? Il nous conduisit à travers un jardin, ce n'était rien à ses yeux, mais nous nous arrêtâmes pour admirer longuement. Des lanternes de pierre, vertes de mousse, regardaient à travers des bouquets de bambous qu'on eût dit artificiels, où des cigognes de bronze faisaient semblant de manger. Un pin pygmé, le feuillage taillé en disques, jetait ses bras au-dessus d'un bassin féerique où mordillait et fouillait la carpe grasse et paresseuse, et où un couple de grèbes oreillards, de l'abri du baril à eau, protestait contre notre intrusion. Si parfait était le silence du lieu, que nous entendions les fleurs de cerisier tomber dans le bassin et le zézément du poisson contre les pierres. Nous étions au cœur même de ce décor, qui fait toute leur faïence, et nous hésitions à bouger de peur de briser quelque chose. Les Japonais sont nés oiseaux jardiniers. Ils recueillent les pierres polies par l'eau, les rochers de forme bizarre et les cailloux veinés pour l'ornementation de leur demeure. Quand ils changent de maison, ils lèvent le jardin et l'emportent avec eux, pain et tout, et le nouveau locataire a le champ libre. Une demi-douzaine de marches nous menèrent par-delà le sentier de pierre moussue à un bâtiment où toute la fabrique était au travail. Une pièce renfermait les poudres d'émail, toutes soigneusement rangées dans les jarres d'une propreté scrupuleuse, quelques vases de cuivre lisses prêts à subir l'opération, un oiseau invisible qui sifflait et huait dans sa cage, et une boîte de papillons aux brillantes couleurs destinée à être consultée quand on voulait des modèles. Dans la pièce suivante était assise l'usine. Trois hommes, cinq femmes et deux jeunes garçons, tous silencieux comme le sommeil. C'est une chose de lire « Fabrication de cloisonnés » et tout à fait une autre de le regarder fabriquer. Je commençais à comprendre le prix de l'article quand je vis un homme en train d'exécuter un dessin de branchettes et de papillons sur une assiette d'environ 25 cm de diamètre. Avec du fil d'argent très fin et rubané, posé sur la tranche, et haut de moins d'un millimètre, il suivit les courbes du dessin dont il avait le modèle à côté de lui, pinçant le fil en vrille le long des contours dentelés des feuilles avec une patience infinie. Le moindre choc sur la plaque de cuivre unie eut envoyé voler le dessin en 1000 filaments désordonnés. Lorsque tout serait posé sur le cuivre, l'assiette serait chauffée, juste ce qu'il faudrait, pour permettre au fil d'y adhérer fortement, le dessin devant paraître en ligne exhaussée. Suivait le coloriage, lequel était fait par de petits garçons à lunettes. À l'aide d'une paire de baguettes en acier toute petite, il remplissait chaque partie du dessin de la nuance convenable de pâte prise dans des bols posés à côté d'eux. L'erreur n'est guère permise lorsqu'il s'agit de remplir les taches d'une aile de papillon avec de l'émail couleur aventurine, et que l'aile en question n'a pas 2,5 cm de large. Je suivis le jeu délicat du poignet et de la main jusqu'à ce que j'en fusse là, et le directeur, alors, me montra ses modèles. Dragon terrible, bouquet de chrysanthèmes, papillon, diaprure aussi fine que du givre sur une vitre, tout cela dessiné d'une main sûre. Voilà nos sujets, dit-il. Je compose d'après eux, et quand j'ai besoin de quelques couleurs nouvelles, je vais regarder ces papillons morts. L'émail, une fois versé, le pot ou l'assiette s'en va au feu, l'émail bouillonne par-dessus les limites de fil d'argent, et le tout revient de la fournaise sous l'apparence d'une délicate majolique. Il faut peut-être un mois pour placer le dessin en contour sur l'assiette, un autre mois pour verser l'émail, mais la vraie dépense de temps ne commence qu'au polissage. Un homme s'assoit avec l'article brut, tout son attirail de thé, un bassin d'eau, une flanelle et 2 ou 3 soucoupes remplies de cailloux assortis provenant du ruisseau. On ne lui donne ni roue avec tripoli, ni émeri, ni peau de chamois. Il s'assoit et frotte. Il frotte durant 1 mois, 3 mois ou 1 an. Il frotte avec amour, avec son âme au bout des doigts, et petit à petit, l'efflorescence de l'émail passé au feu cède. Il arrive aux lignes d'argent, et le dessin, dans toute sa gloire, est là, qui l'attend. J'ai vu un homme qui n'était que depuis 1 mois sur le polissage d'un petit vase de 5 pouces de haut. Il devra continuer pendant 2 mois encore. Quand je serai en Amérique, il sera toujours en train de frotter, et le dragon couleur de rubis qui s'ébattait sur un champ de lazuli, chaque écaille minuscule et chaque minuscule poil dans un compartiment d'émail à part, sera en voie de prendre de la grâce. Il y a aussi le cloisonné à bon marché, dit le directeur avec un sourire. Nous ne pouvons pas faire cela. Le prix du vase sera de $70. Ce « nous ne pouvons pas » au lieu de « nous ne faisons pas » m'inspira du respect. C'était l'artiste qui parlait. C'était Lettres du Japon, chronique d'une traversée, de Rudyard Kipling, traduction de Louis Fabulé et Arthur Austin Jackson, extrait choisi par Catherine Crapoulet. Troisième épisode. Avec Laurent Stocker, Christian Gonon. Prise de son, montage, mixage, Marie-Thérèse Ferrand et Manon Houssin. Assistant à la réalisation, Lélio Ploton. Réalisation, Catherine Lemire. Les lettres du Japon sont publiées aux éditions Elitis.